Alors vous écoutez Futur Simple au 89.1 et nous commençons l'émission en faisant Cap Nord. Le fameux plan Nord fait couler beaucoup d'encre. L'exploitation des ressources dans le Québec boréal fait le bonheur des compagnies minières, mais enflamme les communautés autochtones et les groupes environnementaux. Les récentes élections ont changé quelque peu la donne. Le Parti québécois a en quelque sorte freiné ce développement trop hâtif et l'a rebaptisé Nord pour tous. Alors, Christiane Dupont va nous présenter les grandes lignes de ce nouveau projet. Bonjour, Christiane. Bonjour, François. Alors, Christiane, en quoi ce Nord pour tous diffère du plan Nord? Eh bien, bon, le plan Nord a eu relativement mauvaise presse au cours de la dernière année, année et demie, où ça a été quand même très difficile dans les médias, précipité. C'était très critiqué. Bon, peu de place à la conservation, beaucoup de place à l'exploitation, d'une manière un peu broche à foin, entre guillemets, là. Peu de place à l'environnement aussi. Oui, c'est ça. Sur papier, c'était beau, puis en pratique, ça avait l'air d'être un peu mis de côté. C'est ça. Donc, je cite ici la nouvelle ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, qui dit « Notre vision, c'est que le Nord soit développé premièrement au bénéfice de l'ensemble de la collectivité québécoise et dans un souci de meilleure protection de l'environnement, mais toujours en association avec les collectivités locales. » Bon, ça, c'est des beaux mots, des belles phrases. C'est sûr que ça veut dire, bon, on va essayer de faire mieux ou d'essayer d'intégrer un peu plus les communautés autochtones ou de faire ça moins garroché en bon français. C'est ça, donc, autrement dit, respecter plus les trois principes du développement durable. C'est ça, l'environnement, puis aussi l'acceptation sociale. Exactement. Projet. Donc, le récent budget de Marceau, Nicolas Marceau, je crois, avait énoncé une règle particulière, c'est que les infrastructures liées à un projet minier seraient plutôt à la charge des entreprises, alors que dans le plan Nord, c'était, bon, prendre les fonds publics, on fait les routes, alors que ça coûte des milliards. Ben oui, dans le Nord, c'est pas évident. L'électricité, il faut que ça se rende, tout ça, pour le bien des entreprises qui injecteraient peu de fonds. Et ça pose un problème, mais limite éthique, là, pour la population. Donc, donc maintenant les frais d'infrastructure, c'est beaucoup plus vers les entreprises. Sur s'il y avait seulement une seule mine qui avait besoin de l'infrastructure, il y aurait peut-être moyen que l'État mette des fonds publics parce qu'une seule mine n'a pas toujours les moyens de faire construire la route. Et on comprend que c'est quand même beaucoup d'argent investi. Les entreprises, c'est vrai, doivent investir des centaines de millions de dollars parce que c'est très, très loin. C'est très loin et comme je vais le dire un peu plus tard, accessible. Ce marché très volatile également. En plus. Donc, aussi, il y a un autre point important, c'est que le gouvernement voudrait inciter les minières à accroître la transformation des matières premières au Québec. Parce que souvent, ici, c'est bon, on arrive, on extrait, on pack ça, on met ça sur des bateaux, au revoir. C'est ça. Et c'est terminé. Donc, les emplois créés, c'est vraiment au niveau de l'extraction, puis après ça, c'est un peu perdu. Oui. C'est une richesse qui n'est peut-être pas exploitée autant qu'elle pourrait l'être. Tout à fait. C'est un autre point. C'est sûr que, bon, il n'y aura jamais 100% du minerai qui va être transformé au Québec, mais il y aura peut-être moyen de trouver une niche intéressante. Un point plus sensible, c'est l'accroissement des droits miniers, parce que bon, les redevances, c'est quelque chose qui fait couler pour beaucoup d'encre. Ça fait beaucoup de débats, en tout cas. Exactement. Et puis, le Parti québécois avait proposé une redevance minimale obligatoire de 5 % sur la valeur brute de production au départ, qui n'existait pas, plus une taxation de 30 % sur les profits supérieurs à 8 % Et ça, bon, bref, ça existe déjà des taxes sur les profits, sauf que bref, il y a beaucoup d'entreprises qui, une certaine année, vont placer leur argent pour que fiscalement ne fassent pas de profit, donc ne paient pas de redevances. Donc, c'est peut-être pour ça la valeur brute de production, ça évite un peu l'évasion du paiement des redevances. OK, ça, c'est la vision du gouvernement marois, mais qu'est-ce que l'industrie pense de ces ajustements? Bon, on s'entend que les visions sont peut-être un peu différentes parce que c'est une vision plus business. C'est ça. Donc, sur le régime des droits miniers, c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord. Plusieurs pensent qu'il faudrait peut-être pas trop y toucher, surtout les redevances. Parce que, bon, certains disent du côté plus minier que c'est un bon système pour le Québec s'il existe en ce moment, parce que si on se met à taxer plus la valeur du minerai, bon, ben les gens vont aller ailleurs, les investissements vont se retrouver ailleurs à l'étranger. Mais est-ce que c'est vrai, ça? C'est dur à dire. J'imagine qu'il y a des études qui le prouvent. C'est sûr que le Québec, je crois, a beaucoup de ressources, mais il n'y a pas de minerais rares qui sont utilisés, alors qu'il y a d'autres endroits sur Terre où ils pourraient négocier beaucoup plus parce que c'est juste là qu'il y a tel minerai, par exemple. Donc, nous, on a du fer, de l'or. Ouais. Mais bon, je pense qu'on est... Je crois que plus le temps passe, plus ça va devenir quelque chose d'important, mais il y aura encore des chances que ça puisse s'enfuir. Hein? C'est très délicat. Mais on a aussi des terres rares aussi. Là, qui des sont terres rares qui devraient... pas n'importe où. Là. Oui, oui, ça c'est vrai, sauf que je pense que ce n'est pas encore très, très développé là, au Québec. Okay. Mais qui sait dans le futur, on ne sait pas. L'Association minière du Québec est évidemment aussi pas très d'accord avec les redevances parce qu'ils disent qu'en ce moment, le régime, c'est en équilibre. Et puis, s'il y a des changements fiscaux, finalement, ben là, il faut tout refaire les financements de projets, tout refaire les États, évaluer là, comment est-ce que c'est beaucoup d'argent investi à l'avance en ne sachant pas si ça va être rentable ou pas, de l'exploration. En connaissant minière. Pas le marché, parce qu'on sait que exactement. C'est cyclique, comme tu disais. L'exploration, ça coûte très cher. Donc, du côté des mines. Aussi, il y a certains points flous que les associations aiment moins ou les regroupements miniers. Le public peut aider pour les infrastructures, mais à quel point, c'est pas encore très défini, c'est un peu flou. Aussi, comment inciter les minières à transformer des minerais ici, alors que comment faire pour avoir des incitations concrètes? Là? Donc, c'est question d'équilibre et c'est joué un peu au funambule, je crois bien. OK. Certains points sont encore à déterminer, si je comprends oui, bien. Oui, c'est ça, parce que, par exemple, la veille de la présentation du budget du ministre Marceau, il y a une compagnie qui s'appelle Cliff Natural Resources qui a annoncé l'interruption de la phase 2 de sa mine au lac Blue, qui est une mine parler, de fer, parce que la volatilité des prix du fer faisait que tout d'un coup, c'était plus rentable, un peu du jour au lendemain. Uh-huh. Donc, c'est ça, il y a une mince marge entre des profits et faillite, là, j'ai l'impression. Par exemple, en 2011, le prix du fer était à 177 $ la tonne et il a chuté en dessous des seuils du seuil du 100 $ un an plus tard. Donc, ça devient un peu difficile de jurer. Et puis, en même temps, le nord du Québec, c'est une des rares territoires sur Terre qui est encore relativement vierge, là, un énorme territoire. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Non, mais il y a toujours des pressions économiques. Un gouvernement au pouvoir doit essayer de faire plaisir aux entreprises sur place, mais avoir une vision à long terme au-delà de son propre mandat. Effectivement. Parce que l'environnement n'est pas sur 4 ans, n'est pas sur 10 ans, est sur des centaines et des milliers d'années. Effectivement. Il y a vraiment... c'est un jonglage qui n'est quand même pas évident. Et puis, comme certains disent, faudrait avoir aussi un plan savoir du Nord parce que il y a beaucoup de savoir. Il y a des peuples qui habitent là. Il y a un savoir-faire, relation avec les vents, manière de gérer le territoire, l'observation des changements climatiques. Donc, il y aurait une suggestion à quand l'Institut du Nord du Québec, par exemple, pour peut-être un peu centraliser ce genre de savoir-là pour... Parce que là, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de gens qui étudient ça. Le Centre d'études nordiques à l'Université Laval, par exemple, qui a un gros centre, ArcticNet, qui est plus en Arctique, de gros réseaux. Ça reste encore disséminé dans des universités pour avoir quelque chose plus gouvernemental, un peu, qui serait un répondant direct, là. Ça pourrait être intéressant. J'ai vu ça, je trouvais que c'est une belle idée. Est-ce qu'on pourrait impliquer aussi, d'ailleurs, les populations qui vivent là? Exactement, parce que souvent, il y a des études sur les populations autochtones, mais c'est des études plus anthropologiques ou plus sur leur manière de vivre, mais leurs opinions en tant que telles, c'est peut-être pas des... une interaction pas d'égal à égal, mais je veux dire, c'est pas une conversation directe, c'est plus des études, donc c'est un fait, à développer. Bien, merci beaucoup, Christiane, pour ces précisions sur le Nord pour tous, qui, au fond, semble rester aussi flou, en fait, oui, plus ou moins. Oui, c'est au balbutiement, c'est je pense, là, de s'impulser. Mais au moins, il y a une réflexion qui se fait, de part et d'autre, donc ça, on a hâte de voir comment ça va se dérouler. S'articuler. Alors, merci beaucoup, et alors, on fait une pause musicale sur CKRL au 89.1.